إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc la lecture de cette épître, Les Trois Fondements, écrite par l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. On a vu dans le cours d'hier la deuxième partie de l'introduction, dans laquelle le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a exposé trois questions importantes qui font partie des fondements de notre religion. Et ces trois questions sont, comme on l'a vu, l'obligation d'obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'obligation de l'alliance et du désaveu en fonction de ces deux points. On va voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, la troisième partie de l'introduction, qui est la dernière, dans laquelle le Cheikh rahimahullah ta'ala va nous parler de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc c'est à la page 10 sur le fichier PDF, sur le petit livret. Il a donc dit rahimahullah, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la hanifiyya, la religion d'Ibrahim, consiste à adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Qu'on a déjà vu à plusieurs reprises que le Cheikh rahimahullah ta'ala commence par nous dire sache afin d'attirer notre attention, car ce qu'il va nous citer est une chose très importante. Et il invoque à nouveau en notre faveur, en disant qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Et l'obéissance c'est quoi? C'est le fait de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser ses interdits. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il fait cette invocation immense en ta faveur, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et te guide vers le fait que tu accomplisses ses ordres et que tu délaisses ses interdits. Puis il nous dit que la Hanifiyya, c'est la religion d'Ibrahim. Al Hanifiyya, cela provient du mot en arabe Hanif, qui désigne celui qui s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui se dirige vers Allah et qui se détourne, s'écarte de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hanif, c'est celui qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et se désavoue de l'adoration de tout autre qu'Allah. Et ceci était la religion d'Ibrahim alayhi salam. Le Cheikh, il nous dit, consiste à adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire en se désavouant de l'adoration de tout autre que lui. Toutefois, ici, il y a une question qui se pose. C'est pourquoi le Cheikh nous parle de la religion d'Ibrahim alayhi salam, alors que notre prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La réponse, elle se trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le fait qu'Allah a ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre la religion d'Ibrahim. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 123 de sourate An-Nahl, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim qui était Hanif, qui vouait exclusivement le culte à Allah et ne faisait pas partie des polythéistes. Donc on voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre la religion d'Ibrahim. Et la religion d'Ibrahim, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif et de ne pas faire partie du nombre des polythéistes. Et ceci, c'est le sens de quoi? C'est le sens de la ilaha illallah. Car comme on l'a vu, cette parole, c'est l'appel de l'ensemble des messagers, alayhim salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe même que le fait de suivre cette religion, al-hanifiyya, la religion d'Ibrahim, c'est la meilleure chose en religion. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 125 de surat An-Nisa, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Et qui est meilleur en religion que celui qui se soumet à Allah tout en étant bienfaisant, c'est-à-dire tout en se conformant à la législation, et suit la religion d'Ibrahim qui était Hanif, qui s'écartait du shirk, qui s'écartait du polythéisme pour vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend à travers ces versets l'importance de connaître la religion d'Ibrahim alayhi salam, qui est la religion de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le cheikh rahimahullahu ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit après? C'est ce qu'Allah a ordonné à l'ensemble des gens, d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Et il les a créés pour cela. Créés pour quoi? Pour adorer Allah seul et lui vouer un culte exclusif. Ceci est la raison de la création de l'ensemble des gens. Puis le cheikh rahimahullahu ta'ala, il nous cite ensuite la preuve de cela. Il a dit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire, le cheikh il dit, rahimahullah, c'est-à-dire pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Comme cela est venu dans le tafsir, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah. Et ça, tu peux le prendre comme une règle générale. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer, cela signifie qu'il nous ordonne de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. Car celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui en parallèle adore autre que lui, alors son adoration elle est vaine, n'est pas utile. Au contraire, elle est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte de l'adoration que ce qui lui est voué exclusivement. Donc lorsqu'il nous ordonne de l'adorer, cela signifie qu'il nous ordonne de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset immense, il nous informe donc de la cause de notre présence sur terre. Et c'est très important pour nous de connaître cela. Car nombre de personnes, comme on l'a vu hier, parmi les mécréants, ils ne savent pas pourquoi ils sont présents sur terre. De ce fait, ils s'égarent et ne consacrent pas leur vie à ce pourquoi ils ont été créés. Donc le musulman, il doit méditer sur ce verset. Et tout le temps avoir ce verset en tête, qu'il n'a été créé que pour vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui comprend cela, qui comprend réellement la raison de sa présence sur terre, alors par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il trouvera le bonheur ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Ici-bas car il sera apaisé, il se consacrera à ce pourquoi Allah l'a créé, et dans l'au-delà car il obtiendra la rétribution de ses œuvres et entrera au paradis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui se détourne et se consacre à autre que ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, alors il vivra malheureux. Il ne sera pas apaisé. Il ne trouvera pas la tranquillité. Mais il mènera une vie pleine de gêne. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans son noble livre. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Pourquoi? Car il s'est éloigné de la raison pour laquelle il a été créé. Il n'utilise pas sa vie, il n'utilise pas son corps, ses membres, pour ce pourquoi ils ont été créés. Regardez, prenons l'exemple des objets dans ce bas monde. Par exemple, une voiture. Elle a été fabriquée pour quoi? Afin de voyager sur terre, de rouler sur les routes. Contrairement au bateau, qui était fabriqué pour naviguer sur l'eau. Donc si tu prends une voiture, et que tu vas sur l'eau avec, qu'est-ce qu'il va se passer? La voiture, elle va couler. Pourquoi? Car ce n'est pas pour cette raison qu'elle a été fabriquée. Donc il en est de même pour l'homme. Il a été créé pour vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il se détourne de cela, et qu'il utilise sa vie pour autre que ce pourquoi il a été créé, qu'est-ce qui lui arrive? Il coule, comme la voiture sur l'eau. Il sera malheureux. Il vivra dans la gêne. Et il ne trouvera pas le bien-être. Car il s'est éloigné de la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Donc si tu es conscient de cela et que tu te consacres à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras que tu trouveras l'apaisement inshallah ta'ala. Et si tu veux une preuve concrète de cela, alors tu n'as qu'à observer ta situation durant le mois béni de Ramadan. Ce mois qui approche, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de l'atteindre et de jeûner durant ce mois, de prier durant ces nuits. Quelle est ta situation durant le mois de Ramadan? N'es-tu pas apaisé? Ne ressens-tu pas un bien-être intérieur que tu ne ressens pas forcément dans les autres mois? Pourquoi? Car tu te consacres à ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. La journée, tu jeûnes. La nuit, tu accomplis la prière. Puis durant ce mois, tu multiplies la lecture du Coran. Donc ton cœur, il s'apaise pendant Ramadan. Et tu ressens un bien-être immense que tu ne vas pas ressentir durant les autres mois de l'année. Et ce, car tu t'es consacré à ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent, les cœurs s'apaisent. Par quoi? Par le rappel d'Allah. Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Et vous connaissez certainement la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait à Bilal, ô Bilal, appelle à la prière, apaise-nous par celle-ci. Ce car le croyant, il trouve l'apaisement dans la prière. Il trouve l'apaisement dans l'adoration qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que lorsque vient l'heure de la prière, il l'accomplit avec joie. Il se réjouit de pouvoir accomplir cette œuvre qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait partie de la raison pour laquelle il a été créé. À l'inverse de l'hypocrite. L'hypocrite, lui, il n'accomplit la prière qu'avec paresse. Il ne se rappelle que très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez ce verset immense qui, je pense, pour la plupart d'entre vous l'ont déjà lu et en ont connaissance. C'est un verset sur lequel on doit méditer. Et pas simplement se dire « Allah nous a créés pour l'adorer », sans réfléchir à ce que cela implique. Si Allah t'a créé pour l'adorer, cela veut dire que tu dois profiter de ta présence sur terre pour te consacrer à ce pourquoi tu as été créé. Cela ne veut pas dire que la personne ne va pas avoir d'occupation mondaine, qu'elle ne va pas avoir certains loisirs ou certaines distractions permises et licites. Mais cela veut dire que ta principale préoccupation dans ce bas monde, cela ne doit pas être les choses mondaines, comme l'argent ou autre. Mais ta principale préoccupation, cela doit être de savoir, quelle que soit ta situation, est-ce que tu accomplis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. Et ceci, on en reparlera peut-être dans d'autres cours, inshallah ta'ala, afin de voir qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous lorsque nous sommes dans l'aisance, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous lors des moments d'épreuve, et ainsi de suite. Et on reviendra, inshallah ta'ala, sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, la personne, elle doit sans cesse chercher, quelle que soit sa situation, à faire ce qui lui permettra d'obtenir la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce verset, on voit la raison pour laquelle l'homme a été créé. Mais on voit aussi un autre point important, qui est la preuve de l'existence des djinns, et qui eux aussi sont concernés par le message de l'islam, le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui eux aussi, tout comme nous, n'ont été créés que pour vous un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le shaykh, rahimahullah ta'ala, il dit, la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée est le tawhid, l'unicité, qui consiste à vouer l'adoration exclusivement à Allah. Et la chose la plus grave qu'il a interdite est le shirk, qui consiste à invoquer autrui avec lui, c'est-à-dire à invoquer autre qu'Allah avec Allah. Donc ici aussi le shaykh rahimahullah ta'ala, il attire notre attention sur une question qui fait partie des principes fondamentaux de notre religion. La chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, c'est quoi? C'est le tawhid, le fait de lui vouer un culte exclusif. Et la chose la plus grave qu'il a interdite, c'est le shirk, le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si la chose la plus importante qu'Allah a ordonné est le tawhid, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie également que c'est la chose la plus importante que je dois apprendre afin de pouvoir me soumettre à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné le tawhid. Et je dois accorder toute mon attention à l'apprentissage de cette science afin de pouvoir vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et si la chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite, c'est le shirk, le polythéisme, cela signifie que c'est la chose de laquelle dont je dois le plus m'écarter. Car c'est le pire des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé, quel est le plus grave des péchés? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créé. Comment l'homme peut-il ensuite donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer autre que lui? Se prosterner pour autre que lui, sacrifier pour autre que lui, et ainsi de suite parmi les différentes formes de polythéisme, comme on le verra plus en détail lors de la lecture du premier fondement, Inch'Allah ta'ala. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a rien de plus important que le tawhid, parmi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y a rien de plus grave que le shirk, le polythéisme, parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. Donc si tu as compris cela, tu verras l'erreur que font nombre de personnes parmi les musulmans qui vont parfois considérer certaines personnes mécréantes meilleures que certains musulmans. Pourquoi? Sous prétexte que celui-ci, par exemple, va être plus honnête dans ses transactions, ou alors qu'il sera plus ponctuel lors de ses rendez-vous, et ainsi de suite parmi les choses liées au comportement. Il n'y a pas de doute que l'honnêteté, la ponctualité, cela fait partie des qualités desquelles le musulman doit se parer. Mais si la personne est honnête, qu'elle ne trompe pas lors de ses transactions, qu'elle est véridique concernant les objets qu'elle vend ou autres, qu'elle est ponctuelle à son rendez-vous, et qu'en parallèle de cela, elle met croix en Allah subhanahu wa ta'ala, fait du polythéisme, est-ce que cette honnêteté et cette ponctualité vont lui être d'une quelconque utilité devant Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est non. Cela ne lui sera d'aucune utilité. Alors que le croyant, qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui s'éloigne du shirk, mais qui a certains défauts, qui fait peut-être certains péchés, qui a des faiblesses qu'il se doit de corriger, il doit se réformer, ne pas persister dans ses erreurs. Mais malgré ça, à partir du moment où c'est un wahid, qu'il voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est un musulman, un croyant, alors il est meilleur que n'importe quel mécréant, même s'il fait des grands péchés. Et ça, cela revient au principe que l'on a vu hier concernant l'alliance et le désaveu. La chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée, c'est le tawhid. La chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite, c'est le shirk. Donc il est important de prendre conscience de cela afin de s'écarter de ces paroles injustes qui sont prononcées par nombre de personnes. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné la preuve que le tawhid est la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée, et que le shirk est la chose la plus grave qu'Allah a interdite. Et il a dit, rahimahullah, la preuve est la parole d'Allah. Comme je vous ai dit, cette phrase, vous allez l'écouter souvent lors de la lecture de ce livre. La preuve est la parole d'Allah. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Donc vous voyez que sans cesse, Allah subhanahu wa ta'ala, il lit souvent l'ordre de l'adoration à quoi? À l'interdiction de lui donner des associés. Car l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à elle seule, elle ne suffit pas. Il ne suffit pas d'adorer Allah. Mais il faut que ton culte que tu voues à Allah, il soit exclusivement voué à lui. Et que tu ne lui donnes aucun associé. Car si une personne adore Allah, qu'elle prie, qu'elle accomplit ses 5 prières quotidiennes à la mosquée, qu'elle jeûne peut-être le jour, qu'elle fait beaucoup d'aumônes, qu'elle fait chaque année le pèlerinage, et ainsi de suite parmi les adorations. Mais qu'à côté de cela, elle sacrifie pour les morts. Elle invoque les saints. Elle se prosterne pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite parmi les formes de polythéisme. Alors son adoration qu'elle voue à Allah, subhanahu wa ta'ala, ne lui sera d'aucune utilité. Mais toutes ses œuvres seront vaines. C'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a ». Adorez Allah, mais attention, cela ne suffit pas. Et ne lui donnez aucun associé. Ne lui donnez aucun associé dans l'adoration. Ici, quelqu'un pourrait se dire: certes, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous ordonne de l'adorer et nous interdit le shirk, nous interdit le polythéisme, le fait de lui donner des associés. Mais pourquoi le shaykh, rahimahullah ta'ala, a cité ce verset comme preuve que le tawhid est l'ordre le plus important et que le shirk est l'interdit le plus grave? La réponse, elle se trouve dans la suite du verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a » وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Donc ce verset, les gens de science l'appellent le verset des 10 droits. Car Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans celui-ci 10 droits parmi les droits importants imposés par l'islam. Et par quel droit Allah subhanahu wa ta'ala a commencé? Il a commencé par son droit, qui est le plus important. Wa'budullaha. Adorez Allah. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et ne lui donnez aucun associé. Donc on voit à travers cela que l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui vouer un culte exclusif, c'est la chose la plus importante qui qu'il a ordonné. Il y a une multitude de preuves concernant cela, mais c'est celle-ci que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a choisi ici. Donc revenons à la définition du tawhid et à la définition du shirk, la définition de l'unicité et la définition du polythéisme. Le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit « Le tawhid consiste à vouer l'adoration exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. » Donc ceci, en réalité, c'est une des trois formes de tawhid, qui est tawhid al-uluhiyya, qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que toutes tes œuvres, tous tes actes d'adoration, ils doivent être voués exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais afin de concrétiser cela, tu as besoin de savoir qu'est-ce que l'adoration. En effet, comment pourrais-tu vouer l'adoration exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu ne connais pas le sens de l'adoration? Les gens de science ont défini l'adoration comme étant un nom qui englobe tout acte et parole apparent et caché qu'Allah aime et agrée. Donc l'adoration, c'est un nom qui englobe tout acte et parole apparent et caché qu'Allah aime et agrée. Tout acte apparent ou caché. Acte apparent, à titre d'exemple, la prière est un acte apparent qui fait partie des adorations. Les actes cachés, comme on le verra dans le prochain cours, il y a le tawakkul, la confiance en Allah, l'espoir, la crainte, et ainsi de suite, parmi les actes du cœur. Et les paroles, par exemple le fait de dire « La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah » et ainsi de suite parmi les formules de rappel. Et les paroles cachées, ce sont les croyances du cœur. Le fait de croire en l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par exemple. Donc on voit que cette définition, elle englobe l'ensemble des adorations. Donc tout acte et parole, qu'il soit apparent ou caché, si Allah l'aime et l'agrée, alors c'est une adoration. Et comment sait-on si Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée un acte ou une parole? Par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de lui vouer un acte, on saura alors qu'il aime cet acte, car il ordonne que ce qu'il aime. Si Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de vouer un acte à autre que lui, alors cela veut dire qu'il aime et agrée cet acte, et qu'il veut que cet acte lui soit voué exclusivement. Donc c'est une adoration. Également, si Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de l'auteur d'un acte, alors on saura qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cet acte, et qu'il fait donc partie de l'adoration. Et ça, on va le voir, inshallah ta'ala, dans le prochain fondement, lorsqu'on va voir les différentes preuves que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnées sur certaines adorations qu'il a citées. Ceci était une brève parenthèse concernant la définition de l'adoration. Et revenons donc à la définition du tawhid. On a dit le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous a donné ici la définition d'une des catégories de tawhid. Et pourquoi il s'est limité à celle-ci? Car c'est la plus importante. Et c'est celle au sujet de laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est entré en conflit avec les mécréants de Quraysh, qui est le fait qu'ils ont refusé de vouer un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant aux deux autres formes de tawhid, il y a l'unicité dans la seigneurie, qui consiste à croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes, comme le fait de créer, le fait d'accorder la subsistance, le fait de donner la vie, de donner la mort, et le fait de posséder et d'administrer toutes choses. En tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala est unique, et il n'a pas d'associé. Il est le seul à créer, le seul à administrer toutes choses en ce monde, le seul à donner la vie, le seul à donner la mort. Ceci est donc l'unicité dans la seigneurie. Et celle-ci est généralement reconnue par l'ensemble des mécréants. Et ceux vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé reconnaissaient cette forme d'unicité. La deuxième forme d'unicité, c'est celle que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnée, tawhid al-uluhiyya, que l'on pourrait traduire par l'unicité dans la divinisation. Ou alors on dira tawhid al-ibada, l'unicité dans l'adoration. Et c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant l'ensemble de nos adorations, et en s'éloignant de l'adoration de tout autre que lui. Enfin, le troisième type de tawhid, c'est tawhid al-asma wa sifat, l'unicité dans les noms et attributs, qui consiste à affirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même comme nom et attribut, et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour Allah comme nom et attribut. Et également, de le purifier de tout ce dont il s'est lui-même purifié comme défaut et imperfection. comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié du fait d'avoir un enfant, lam yalid wa lam yulad, n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Ceci fait partie de l'unicité dans les noms et attributs. Et ce, sans assimilation, c'est-à-dire sans considérer Allah subhanahu wa ta'ala semblable à ses créatures, ni comparaison, on ne les compare pas, sans altération, ni négation, ni interprétation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, rien ne lui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, unique en son être et unique en ses noms et attributs. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Il s'est affirmé ensuite pour lui-même l'ouïe et la vue. Une ouïe et une vue qui ne sont pas semblables à l'ouïe et la vue des serviteurs. Ceci est donc l'unicité dans les noms et attributs qui est traité plus en détail dans les livres comme Al-Aqidatul Wasitiyya de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah et autres parmi les livres de croyance. Donc on a dit les trois types de tawhid. C'est premièrement l'unicité dans la seigneurie qui consiste à croire en l'unicité d'Allah dans ses actes, comme le fait de créer, d'accorder la subsistance, de donner la vie et la mort, et qu'il est le Seigneur, le possesseur de toutes choses, et qu'il administre tout dans cet univers. Le deuxième type de tawhid, l'unicité dans l'adoration, qui est celle que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnée, car c'est la plus importante, et c'est celle pour laquelle les messagers alayhimu salatu wassalam ont été envoyés afin d'y appeler, qui consiste à ce que les serviteurs vous un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et le troisième type de tawhid, c'est l'unicité dans les noms et attributs, qui consiste à affirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même comme nom et attribut, et le purifier de ce dont il s'est lui-même purifié comme défaut et imperfection. Et également à affirmer pour Allah ce que son messager a affirmé pour lui comme nom et attribut, et le purifier de ce dont son messager la purifier comme défaut et imperfection. Ceci sont donc les trois types de tawhid. Et les épîtres que nous sommes en train d'étudier, ils traitent principalement du deuxième type de tawhid, l'unicité dans l'adoration. Ensuite, le shirk, il se divise, lui, en deux catégories, majeur et mineur. Le polythéisme majeur, c'est comme l'a défini le shaykh, rahimahullah ta'ala, le fait d'invoquer avec Allah autre qu'Allah. C'est-à-dire que la personne, vous, une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière, le sacrifice, l'invocation, et ainsi de suite. Ceci fait partie du polythéisme majeur. Et le polythéisme majeur, son auteur sort de la religion de l'islam. Et s'il meurt sur celui-ci sans s'en repentir, alors il demeurera éternellement en enfer, wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « Innahu man yushrik billah » فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Certes, quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Donc telle sera la destination de l'auteur du polythéisme majeur, s'il meurt sur celui-ci sans s'en repentir. Mais s'il se repent avant sa mort, et qu'il revient au tawhid, et qu'il voue son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, se repent du polythéisme et le délaisse, et le regrette, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne l'ensemble des péchés à celui qui se repent. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Dis, ô mes serviteurs qui avait commis des excès. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car certes Allah pardonne l'ensemble des péchés. C'est-à-dire à celui qui se repent durant son vivant. Quant à celui qui meurt sur le polythéisme majeur, alors celui-ci, il sera privé du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il sera éternellement en enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le deuxième type de polythéisme, c'est le polythéisme mineur. Et c'est celui qui ne fait pas sortir son auteur de la religion, mais qui annule seulement l'œuvre dans laquelle il a été commis. À l'exemple de l'ostentation. Si une personne, par exemple, fait une aumône par ostentation, afin de rechercher les compliments des gens, il est avec ses amis, il passe devant un mendiant, et il veut qu'on dise de lui qu'il est généreux. Alors, il donne une aumône à ce mendiant. Celui-ci, son œuvre, celle-ci, elle est vaine. Pourquoi? Car il l'a faite par ostentation. Elle n'était pas vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte des adorations que ce qui lui est voué exclusivement. Donc le polythéisme mineur, il est moindre que le polythéisme majeur. Il annule seulement l'œuvre dans laquelle il a été commis. Contrairement au polythéisme majeur, qui annule l'ensemble des œuvres. Comme on a dit, même si la personne, elle fait une multitude d'œuvres qu'elle voue exclusivement à Allah, qu'elle est assidue dans ses prières, qu'elle jeûne régulièrement, qu'elle fait beaucoup d'aumônes, qu'elle fait le pèlerinage tous les ans, et ainsi de suite parmi les adorations qu'elle voue exclusivement à Allah. Mais qu'elle se prosterne une seule fois pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors qu'elle invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors l'ensemble de ses œuvres sont annulées. Vous voyez donc la gravité du shirk. Vous comprenez pourquoi l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit c'est la chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite. Car elle fait passer son auteur de l'islam à la mécréance, wal'iyadu billah. Donc on a dit le shirk, il se divise en deux catégories. Le polythéisme majeur, dont l'auteur sort de la religion de l'islam, et le polythéisme mineur, qui est moindre que celui-ci, et qui annule seulement l'œuvre dans laquelle il est commis. Toutefois, cela reste le plus grave des péchés après le polythéisme majeur. Il ne faut pas prendre cela à la légère et penser que sous prétexte qu'il ne fait pas sortir de l'islam, alors ce n'est pas grave. Cela reste un très grave péché, duquel le musulman doit tout faire pour s'éloigner. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit « Ainsi, si on te dit quels sont les trois fondements qu'il est obligatoire pour l'homme de connaître, dis, c'est que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. » Donc ici, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il fait une transition entre l'introduction et le corps du livre, qui sont les trois fondements. Et il nous le met sous forme de questions-réponses, en nous disant, et si on te demande quels sont les trois fondements qu'il est obligatoire pour l'homme de connaître? Dis, c'est que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces trois fondements, ils sont reconnus à l'unanimité des gens de science. Et ils sont prouvés par le Coran et la Sunna. Comme on l'a dit dans le hadith d'Al-Bara, lorsque le serviteur sera placé dans sa tombe, il sera interrogé au sujet de ces trois fondements. On lui demandera, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Alors le croyant répondra, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si la personne n'est pas croyante, comme l'hypocrite, le mécréant, il répondra alors, ha ha ha, je ne sais pas, ha ha, je ne sais pas. Voit donc l'importance de connaître ces trois fondements. Et comme on a dit, il ne suffit pas d'apprendre cette phrase, dire mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, mon prophète est Muhammad. Mais il faut concrétiser cela dans nos œuvres. Et on va voir, inshallah ta'ala, à partir de demain, le premier fondement qui est la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous faire profiter de ce que l'on a dit. Et écoutez, je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم